Salut les amis, c'est Sofiane. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Tania Dutel. Salut Tania, comment tu vas? Salut Sofiane, ça va et toi? Ça va super, merci et merci d'avoir accepté l'invitation. Bah écoute, avec plaisir. Juste avant toute chose, si tu entends des ronflements ou d'autres bruits étranges, c'est un chien à côté de moi, ce n'est pas moi. Voilà. C'est pas grave. Alors, est-ce que si on entend le chien ronfler, ce sera le signe que notre conversation est ennuyeuse? Bah non, parce qu'il ronfle tout le temps. Ouais. Ah, Tout le d'accord, temps qu'il se c'est un promène. chien qui ronfle, C'est c'est sa un chien qui spécialité. respire très fort. D'accord. Du Voilà. coup, est-ce que c'est l'inverse? C'est plutôt quand le chien est réveillé que tu te dis ma conversation, elle est vraiment au top? Bah ouais, mais tu sais, il n'entend que moi parce que j'ai mis mes écouteurs pour pas que le son soit bizarre. Donc cette conversation aura pas beaucoup de sens pour lui. D'accord. C'est tellement dommage. J'aurais tellement voulu avoir l'avis d'un chien sur des anecdotes de scène. Ouais, mais moi je lui demande son avis pour plein de trucs déjà, mais il me répond jamais. Donc à un inconnu, tu vois, je suis pas sûre. En tout cas, moi je lui ai appris de pas parler aux inconnus. Donc normalement, il te répondra pas. D'accord, bon, j'avoue. Bon, ça va, parce que j'ai eu peur que ta phrase finisse en « je lui ai demandé de ne pas parler aux Arabes », tu vois, ça aurait... Ah, bien sûr, évidemment. Mais de toute Quand façon... je disais aux inconnus, évidemment que ça voulait dire les Arabes, tu te doutes bien. Ah, bah oui, non, mais tu me rassures, parce que, Horreur. tu sais, bah, avec le lavage de cerveau qu'on subit à longueur de journée avec BFM TV et tout le bazar... Non, mais c'est quand même grave que quand je dis ne pas parler à des inconnus, toi tu te dis elle va terminer sa phrase par des Arabes. Ça veut dire que tu l'as tellement entendu dans ta vie que maintenant parler à, ça finit à arabe après. Ça peut pas être un autre mot. Non, non, non, évidemment que non. Je sais très bien que toi, tu es quelqu'un de tout à fait normal. Mais c'est vrai que, si tu veux, ça m'aurait fait rire, en fait. Tu vois, je pensais que tu allais partir sur ce truc-là pour la vanne, évidemment, parce Eh que... ouais, mais non, parce que tu sais, moi j'avoue que comme j'aime bien justement, je serais assez partie. J'aimerais qu'on arrête de faire justement des blagues clichés, tout ça, parce que je trouve que c'est ça qui continue de créer et de faire en sorte qu'il y ait encore du racisme. Donc je fais pas ce genre de blagues parce que je trouve pas ça très drôle, je dois t'avouer, tu vois, de justement mettre les gens dans des cases comme ça et de à chaque fois mettre les Arabes, les Noirs, tout le monde dans le même panier. J'aime pas trop ce genre de truc, donc j'avoue que tu pourrais pas trop entendre ça venant de moi. Ça Non, non, mais n'arrivera t'inquiète pas. pas, je l'aurais pris, je veux dire, je Non, connais à mais peu je me doute près que tu l'aurais pris comme une blague, puisque si comment je c'est. l'avais dit, ça aurait été comme une blague, sauf Oh, que je le d'accord. dis même pas en mode blague, parce que je trouve que ça continue d'instaurer un climat pas très cool. Tu vois ce que je veux dire? Oui, totalement. Et je pense, en fait, tu vois, c'est ce que je me disais, je me dis que les gens qui réellement pensent je veux pas qu'ils parlent aux Arabes, tu vois, ils vont pas te le dire. Ah Ils non, vont ils te vont dire pas le juste. dire. Ah non, ils vont te dire justement, je veux pas qu'ils parlent aux inconnus, tu vois, ils vont se cacher derrière ça, quoi. C'est ça, bah c'est exactement ce que j'ai voulu dire du coup. Il n'y a pas de souci. Ben, en tout cas, merci à toi d'accepter de parler à un inconnu et à un arabe en même temps. Bah écoute avec plaisir. C'est super. Et donc, tu as fait une ou plusieurs anecdotes à nous raconter? Ouais, c'était pour mon premier plateau d'humour. Je venais d'arriver sur Paris, je savais que je voulais jouer, mais je connaissais pas du tout les plateaux, donc j'ai fait des recherches sur Internet et je suis tombée sur un casting pour une émission télé. Donc c'est le pire truc qu'il faut faire quand on débute, hein. Faut surtout pas commencer par un enregistrement télé. Bon, c'était pour une chaîne régionale, hein, donc c'était pas non plus un truc incroyable. En même temps, pour une chaîne nationale, je pense que je n'aurais même pas été prise de base. Mais là, on était une quarantaine à se présenter, ils en prenaient quatre, donc j'étais dans les quatre. On fait l'enregistrement, il n'y avait pas beaucoup de public. J'étais stressée comme pas possible. Et en fait, donc je monte sur scène et là, dans le public, je commence à entendre des gars qui disent « C'est quoi ton 06? T'as un MSN ?» Et tu vois, ils disaient MSN, c'est pour te dire à quel point c'était il y a longtemps. Et Ouais. vraiment, et moi, je perdais complètement tous mes moyens. J'ai oublié la fin de mon texte. Après, je me suis retrouvée et ça a été vraiment l'horreur. Donc, ma première scène, je suis sortie en pleurant. Donc ça faisait vraiment auquel. Donc déjà la fille qui vient de commencer, qui en plus pleure, je remplissais tous les clichés, mais c'était vraiment l'horreur. Finalement, j'ai décidé de continuer, mais j'avoue que pour continuer, c'était pas du tout une bonne première, quoi. Oui, bah oui, parce que c'est quelque chose de très difficile à faire. Même, je pense, aujourd'hui, tu as l'expérience et tout. Tu as une demi-heure de spectacle sur Netflix. Donc, les caméras, tu connais. Mais Ça reste quand même un exercice difficile, je pense, mais alors encore plus quand c'est ta première, parce que la plupart des humoristes, voilà, moi le premier, ma première scène, il n'y avait pas du tout de caméra, mais j'étais stressé comme pas possible. S'il y avait eu des caméras, je pense que je me serais liquéfié sur scène, tu vois. Ah bah oui, non mais c'est-à-dire qu'en plus c'était un texte que je n'avais jamais testé en public, hein, donc la seule fois que je l'ai joué c'était devant le jury qui décidait qui faisait cette émission télé. Finalement je fais cette émission télé et ouais, la première fois que je le joue devant un public, donc la pire des idées, vraiment, j'aurais pas pu faire pire. Ouais, mais quelque part, tu as commencé, bah justement, comme tu n'as pas pu faire pire, tu peux caler vers le haut après. C'est bien que ça t'ait pas bloqué pour avancer et pour continuer. Oui, c'est sûr, hein, j'aurais pu complètement abandonner et faire autre chose aujourd'hui, rester à travailler au Buffalo Grill comme je le faisais, comme je l'avais fait à ce moment-là. Mais ouais, bah écoute, ça a été une mauvaise expérience, mais bon. En fait, effectivement, quand on vit des trucs pas cool comme ça nous booste plus pour la suite parce qu'on a vraiment connu le pire, donc après, ça peut être que mieux. Oui, voilà. Ben, si, tu vois, c'est pour moi, c'est quitte ou double. C'est soit ça te décourage et tu dis, ah ben, c'est pas fait pour moi et tu arrêtes. Soit tu te dis, attends, là, c'était douloureux comme pas possible, mais je vais me débrouiller pour remonter sur scène et pour faire de mon mieux pour que plus jamais il m'arrive ça, tu vois. Ouais, c'est ça. Et quelque part, toi, tu as pris la deuxième et tu as tellement eu raison. Ouais. Après, j'avoue que si tu avais pris la première, la perspective de se dire que tu aurais été la serveuse la plus marrante de tout le Buffalo Grill, ça aurait été pas mal quand même. Non, parce que j'aimais tellement pas ce travail. Moi, j'avais fait ça quand j'étais étudiante. Tu vois, je bossais là-bas tous les week-ends et pendant les vacances scolaires. Mais j'aimais tellement pas ce travail. C'est fou parce qu'on parle quand même d'une chaîne de restauration rapide. Les gens sont à table et ils sont censés être servis comme au McDo en fait à grande vitesse et les gens se plaignaient donc ils y vont, ils prennent des menus qui coûtent 10 euros et en plus ils sont pas contents parce qu'on met trop longtemps à les servir. Ils croient vraiment qu'ils vont dans des restos 3 étoiles. Les clients étaient quand même souvent. En fait, c'est ce que j'ai remarqué, c'est même dans les spectacles, là où les gens, même, ils vont pas payer, ça va être du chapeau, c'est les pires spectateurs. Et ben là, c'est pareil, ils payaient que dalle leur menu, ils étaient odieux. Donc, non, franchement, j'étais polie pour avoir des pourboires, hein, je sais bien faire ça, mais franchement, j'aimais pas du tout ce travail, donc j'aurais pas du tout été marrante. Ça, c'est sûr Ah, que non. d'accord. Bah, tu vois, j'aurais pensé justement, parce que bien évidemment, je me doutais que ce travail était dur et que ce n'était pas ce que tu voulais faire de ta vie, mais je me suis dit que peut-être, tu vois, quand tu es dans un travail dur et tout, la seule chose qui t'aide, c'est l'humour, en fait, tu vois. C'est. Ouais, mais quand tu fais ça tout le temps, franchement, ça aide pas. Et c'est pour ça que moi, j'ai un respect profond envers les serveurs parce que même des fois, je vais dans des bars ou des restos, enfin, quand on pouvait y aller, avec des amis. Et des fois, quand on va attendre 5 minutes de trop, il y en a qui commencent à se plaindre. Et je dis, mais vous savez, juste, je leur dis, regardez autour de vous, vous voyez toutes les tables qui doivent gérer tout seul. Je trouve que les gens sont quand même pas mal odieux avec les serveurs. Et c'est vraiment. Alors, il y en a, c'est vraiment leur passion de faire ce métier. C'est génial. Moi, j'ai pas du tout aimé faire ça, mais comme il y en a qui détesteraient monter sur scène. Mais je trouve qu'on les prend un peu trop de haut, les serveurs. Et c'est vraiment pas un métier facile. C'est vrai, bah j'ai travaillé un petit peu dans la restauration aussi et je sais que c'est pas facile. Je me rappelle, j'avais travaillé au Quick, tu vois, donc c'est pas la même chose non plus, mais c'est quand même de la restauration rapide et tout. Ouais. Et je me rappelle qu'il y avait des gens qui me laissaient les plateaux, tu sais, les plateaux normalement au Quick ou au McDo, c'est toi qui dois les vider. Et ben là, j'avais une famille, genre 5 ou 6 personnes qui sont venues et ils m'ont laissé les plateaux remplis, la table dégueulasse, ils m'ont tout laissé débarrasser. À un moment, il y a un gamin, il marchait devant moi, ce petit bâtard. Il attrape une chaise et il l'a fait tomber devant moi pour que je me casse la gueule, tu vois. Ouais. Heureusement, je l'ai évité et j'ai regardé le gamin. Moi, j'étais à 2 doigts de le défoncer, tu vois. Et t'as la maman qui le regarde et qui fait « Oh, Pierre! » Tu sais, elle l'engueulait comme ça. Et Ouais. j'avais envie de dire « Ouais, viens là, Pierre! » Tu vois, je voulais vraiment le corriger, quoi. Mais bon, évidemment, tu vois, comme tu disais, rester poli et garder, tu vois, faire bonne figure, quoi. Nous, il n'y avait pas de Ouais. pourboire. Vraiment, au Quick, il n'y avait pas de pourboire. Là, non, il n'y Ah avait oui, que mais dalle. parce que nous, c'était du service à table. Alors, on n'avait pas non plus des pourboires. On n'en avait pas énormément, mais franchement, c'était quand même pas mal. Moi, je m'étais cassé la gueule une fois d'ailleurs. Parce qu'en fait, le Buffalo Grill, ouais, comme je te dis, c'est restauration rapide. Donc, tu as des règles où les clients, dès qu'ils sont installés, ils sont censés avoir leur salade d'accueil en moins de 2 minutes. Tu sais, la salade gratuite, là. Oui, Et oui. après, En cuisine, tout est prioritaire. On va te dire les desserts, faut les envoyer en priorité. Les plats, faut les envoyer en priorité. Les salades, faut les envoyer en priorité. Donc toi, tu te retrouves à devoir gérer une dizaine de tables avec toutes tes tables qui sont pleines et qui doivent être renouvelées tout le temps. Et tout est prioritaire. Donc juste, tu peux rien faire. Je me rappelle le premier mois que j'avais bossé là-bas, j'avais perdu 6 kilos. Tellement je courais dans tous les sens. Un jour, je me pète la gueule tellement je courais. Et là, les clients, ils ont carrément applaudi pour se foutre de ma gueule. Les bâtards quand même. Ouais. J'avais fait tomber toutes les assiettes. Heureusement, elles étaient vides. Donc déjà, tu es à la bourre. Tu cours parce que tu es à la bourre. Et en plus, il faut que tu nettoies ta merde que tu viens de faire tomber. Et tous les clients viennent de se foutre de ta gueule. Non, c'est vraiment pas cool. Je suis totalement d'accord avec toi. Moi, je te dis, pour avoir travaillé là-dedans, je sais que les gens n'ont aucun respect quasiment pour les serveurs et tout. Et j'ai le même réflexe que toi. C'est qu'aujourd'hui, bah, tu vois, depuis que j'ai travaillé chez Quick et maintenant que je vais dans un resto ou quoi, à chaque fois, j'ai un respect parce que je me dis, je suis passé par là et je sais combien c'est dur. Et j'ai plus de respect. J'en avais déjà. J'aurais pas fait partie des gens qui auraient applaudi, tu vois. Mais j'ai plus de respect parce que je me dis, je sais ce que c'est difficile. Donc, il faut être patient, il faut prendre sur soi et être compréhensif parce que c'est une ou deux personnes qui vont gérer toute une salle. Tu vois, il faut pas être égoïste en mode, mon assiette n'est pas là, eh ben ça va pas, tu vois. Non, franchement, j'essaye d'être cool avec eux parce que je sais que c'est vraiment pas facile. Donc, l'avantage d'avoir travaillé là-dedans, autant pour toi que pour moi, je pense, c'est qu'on a un regard plus juste en fait sur le métier et qu'on a plus de compassion pour des gens pour lesquels les gens n'ont pas de compassion justement en général. Ouais, bien sûr. Moi, je pense qu'on devrait tous, quand on rentre dans la vie adulte, on devrait tester plein de petits métiers que certains vont considérer comme ingrats ou justement où ils vont pas être cool avec les gens qui font ce métier, juste pour qu'ils voient comme c'est difficile. Et après, ils vont peut-être un peu plus respecter les gens qui font ça. Après, j'avoue que quand j'arrive dans un endroit et que les gens sont pas polis, là, ça me gonfle. Tu vois, quand tu vas à la poste, tu veux aller retirer un colis, ils sont quand même rarement polis. Les gens derrière, bon bah là, c'est pas cool. Si toi t'arrives avec le smile, que t'es poli et que derrière son guichet il est pas sympa, là par contre ça me gonfle un peu parce que je te dis, moi j'aimais pas du tout ce taf, mais je restais poli avec les clients parce que c'est quand même la base et qu'en plus j'allais avoir mes petits pourboires après. Ben, en fait, je pense qu'il faut être le miroir des clients. Tu vois, moi, je suis chauffeur de bus et dans mon bus, quand les gens viennent vers moi de façon tout à fait polie, courtoise, je leur réponds de manière tout à fait polie et courtoise. Après, quand il y a des gens qui sont un peu plus agressifs ou quoi, je les agresse pas parce que je veux garder mon taf, mais je vais leur répondre de manière très sèche et vraiment expéditive, quoi, tu vois. Ouais. Mais je pense que de base, il faut avoir un a priori positif sur les gens et se dire, tant qu'il est poli avec moi, tant qu'il est bien, j'accepte de prendre sur moi si ça prend un peu de temps ou je sais pas quoi. Mais si la personne en face, elle est mal polie, clairement, tu tombes sur un serveur qui est vraiment désagréable, bah là, tu n'as aucune raison d'être agréable avec lui, tu vois, voilà, c'est Ouais, normal. c'est ça. Tu sais, le fameux ne pas faire aux autres ce qu'on ne voudrait pas qu'on nous fasse, tu vois, bah, c'est Ouais, exactement ça. exactement, Bah, ouais. si tu as envie que les gens te respectent, respecte-les d'abord, tu vois. Oui, bien sûr. Et donc, ouais, au niveau de la scène, depuis que tu en as fait, tout ça, tu as développé ta répartie grâce à ça. Et est-ce que tu as eu des échanges avec des spectateurs, par exemple, que tu as calmé, tu vois, des hecklers et tout, que tu as calmé direct? Ouais, bah, ça m'est arrivé pour juste avant Noël l'année dernière. Mais ça me fait quand même de la peine ce truc parce qu'il y a un monsieur qui est venu tout seul dans la salle. Il avait un bonnet de Noël là, qui clignotait et il était complètement bourré. Et en fait, il n'arrêtait pas de parler fort tout le temps, donc ça m'a vite gonflé. On m'avait prévenu avant que je monte sur scène en me disant, attention, il y a un gars bourré qui a un bonnet de Noël, il veut l'allumer pour que tout le monde le voit. Et en fait, ça m'a fait de la peine parce que j'ai dû effectivement le rembarrer et le faire sortir de la salle, mais ça m'a vraiment fait de la peine parce que je me suis dit, on arrive vers les fêtes, on sait que le moment des fêtes, il y a aussi beaucoup de suicides en France parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont seuls et qui sont pas bien. Et je me suis dit, le gars, il était tout seul et peut-être que ce que je lui ai fait, ça lui a fait vraiment du mal. Bon, c'est pas vraiment moi qui l'ai fait sortir, c'est le régisseur. Mais tu vois, c'est un truc où je pouvais pas continuer à jouer mon spectacle parce que tout le public était saoulé au bout de 5 minutes. Ils n'arrêtaient pas de se retourner pour lui dire de la fermer, tout ça. Donc, en fait, je pouvais pas continuer mon spectacle parce qu'ils s'arrêtaient pas de parler. Mais ça m'a vraiment fait mal de le faire sortir de la salle. Ouais, je comprends parce que en fait, tu veux pas, tu veux ménager la chèvre et le chou, tu vois. Tu veux que le mec se calme. Tu veux en même temps que le public puisse profiter du spectacle. Donc là, malheureusement, t'as pas pu avoir la tranquillité avec ce mec-là. Il arrêtait pas, il arrêtait pas. C'est T'as dû, ça. je veux dire, tu l'as pas viré au premier mot. tu l'as viré Ah après, quoi. non, non, non, non, ça dure un moment. Le temps qui saoule déjà tout le public, hein. Donc, Ouais. quand tu en arrives au moment où tout le public en a marre et veut que la personne sorte, tu peux pas vraiment faire autrement parce que les gens, ils ont aussi payé leur billet et c'est pas agréable pour eux. Bien sûr, bah oui, toi tu veux faire le spectacle dans les bonnes conditions. Après, je pense que tu es comme moi quand tu vois, comme la plupart des humoristes d'ailleurs, quand il n'y a que nous que ça dérange, on prend sur nous. Mais quand on voit que le public se retourne, que ça dérange des gens et tout, là on prend la défense du public, quoi. Ouais, c'est ça. Bah C'est ça, ouais, mais c'est. après, il y a beaucoup de gens qui vont après te dire oui, mais enfin, en tout cas, ceux qui font chier, hein, ils vont te dire oui, mais ça fait aussi partie de ton taf. Je dis alors, pas du Non. tout, en fait. Mon taf, c'est de Non. faire des blagues. Je ne suis pas Géo au Club Med. Géo au Club Exact. Med, oui, on peut faire ça, mais ce n'est pas mon taf. Moi, je fais des blagues. Les gens payent pour venir les voir. Je n'ai pas à. Je suis pas institutrice non plus. Je vais pas dire aux gens de se taire. Oui, mais ça c'est des gens, tu vois, c'est des gens qui prennent trop au pied de la lettre le côté genre le client est roi, tu vois. C'est Ils se ça. disent, j'ai payé ma place, j'ai le droit de faire ce que je veux. Mais tu sais, ces Ouais. gens-là, ils ne sont pas logiques parce que, comme tu l'as dit, ton taf à toi, c'est de faire des blagues et de leur délivrer des blagues. Qu'en plus, tu as déjà travaillé avant, donc tu te mets dans les bonnes conditions pour que eux puissent rire. Donc, tu leur délivres quelque chose de qualité, tu vois. Donc, eux, la seule chose qu'ils peuvent te délivrer derrière, c'est du silence pendant les blagues et des réactions sincères après les blagues, tu vois. Et c'est Ouais, c'est ça. compliqué. Après, moi, des fois, j'ai des moments où je pose des questions en public. Donc là, c'est clairement le moment pour intervenir et parler. Mais sinon non, c'est pas vraiment le moment, ni C'est ça, l'endroit. ce mec-là, là, qui, tu vois, ces personnes-là qui vont te dire ça, moi, je me demande comment ils réagissent, tu vois, genre, par exemple, si jamais ils sont dans le, on va dire, le ménage, par exemple, tu vois, c'est du personnel de nettoyage, si tu vas dans le coin où ils sont en train de passer la serpillière, que tu prends des détritus et tout, tu les balances par terre, ou tu rajoutes un truc dégueulasse, un liquide, tu vois, je sais pas, un liquide verdâtre, un truc tout pourri, tu vois, et après, ils disent, ah, mais vous faites quoi? Et tu dis, non, mais attends, c'est votre boulot de nettoyer, ben voilà. Ouais, je sais. Ça me fait penser aux gens extrêmement intelligents qui jettent des trucs par terre en te donnant l'argument, ça crée du travail. Ouais, J'avoue c'est qu'il faut avoir, fou. hey, il faut avoir des gaufres hein, pour dire ça. Hein. Ouais, mais je l'ai entendu plusieurs fois, ça. Ah mais c'est balèze, hein. C'est comme si le mec allait buter quelqu'un, il disait ouais ça crée du boulot aux flics. Ouais, c'est pareil. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Ah Ouais. j'ai entendu le Ouais. personnage, Le j'ai entendu chien, il l'autre. vient de soupirer. Ah bah du coup ouais, je suis désolé, hein, je l'ai un peu ennuyé, je suis désolé. Ah non, mais il t'entend pas, hein, t'inquiète pas. C'est moi qui l'ennuie. Bah, t'imagines, j'ai réussi à le saouler à travers les écouteurs, c'est balèze Ouais, quand c'est ça, c'est très très fort. même. Ben, merci Tania pour ces belles réflexions et ces belles anecdotes. Et où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Eh bien, écoute, Instagram, Facebook, TikTok, sous le pseudonyme de Tania Dutel. Ok, très bien. Le pseudonyme qui ressemble beaucoup à ton nom, ton vrai nom, quoi. Tout à fait. Ah, c'est malin, on s'en douterait pas, hein. Vraiment, Ouais. bien joué. Ouais. Eh bien, pareil pour moi, mesdames et messieurs, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux sous mon pseudonyme Sofiane Etaï, E de TAI, voilà, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Bisous à tous, même à toi là-bas.